Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. La gare de Perpignan n'est plus le centre du monde, la gare de Montpellier-Saint-Roch non plus d'ailleurs, puisque Montpellier a désormais une nouvelle gare. Elle permet d'aller partout pourvu qu'on réussisse à la rejoindre. C'est un peu une gare mirage. Vous savez aussi ce qu'on appelle un éléphant blanc. Un éléphant blanc, c'est une infrastructure coûteuse généralement dont on ne saisit pas immédiatement l'utilité. Bienvenue sur la gare où il n'y aura pas de train. La gare fantôme de Montpellier, la Mogère. C'est le bâtiment le plus cher qui n'ait jamais été construit à Montpellier, qui n'aura jamais d'inauguration officielle. Donc on a décidé de le baptiser la gare fantôme de Montpellier. Il y a des gares excentrées qui fonctionnent, mais ce sont celles qui sont en connexion avec les trains régionaux. Ici, nous n'avons aucun train régional qui passera. Pour faire les correspondances, pour tous les habitants de la région qui viennent prendre le TGV, ça sera une vraie galère. Pour moi, le principal scandale, c'est de faire un investissement pour quelque chose qui est inutile, avec l'argent des contribuables, à un moment où les dotations de l'État baissent et où l'argent public doit être employé en priorité pour l'intérêt général. Bienvenue à la gare fantôme de Montpellier. Bienvenue à 6 km de la Comédie. Nous informons les voyageurs que cette gare ne dispose d'aucune correspondance TER, ni d'aucune desserte en tramway. Cette gare est une erreur, on va y revenir, en tout cas les écologistes qui aujourd'hui, là, l'inaugurent. Gilles Dansart, vous êtes journaliste, directeur de Mobilettre, vous connaissez parfaitement le réseau ferré de France. Alors, c'est pas la première gare betterave de France, hein. Il y en a beaucoup. Moi, je connais bien la gare betterave de Valence, Valence TGV, mais qui marche parce que précisément, il y a des TER et qu'on peut rejoindre Valence-Ville sans difficulté. Pourquoi a-t-on construit cette gare à Montpellier, différente donc de Montpellier-Saint-Roch, qui aujourd'hui voit son utilité largement contestée? Bonjour, tout simplement parce que on s'est arrêté au milieu du gué. Le projet global, il n'est pas si inepte que ça. Si on fait un peu de géographie, l'arc languedocien est totalement saturé. Saturé par le transport de marchandises, notamment sur route. Saturé parce que l'explosion démographique est très très forte. Montpellier s'est passé de 400 000 habitants à 500 000 en peu de temps et ça va continuer. Toutes les prévisions démographiques montrent que les littoraux vont être absolument assaillis de nouvelles populations dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Et donc, il y a une vraie saturation des axes ferrés. Et donc, l'idée, c'était de faire une nouvelle ligne dans le prolongement de la ligne à grande vitesse qui vient de Paris jusqu'à Avignon et qui descend après jusqu'à Perpignan. Et là, à Perpignan, il y a une ligne à grande vitesse aussi qui va jusqu'à Barcelone. Et donc, l'idée, c'était de faire une nouvelle ligne sur laquelle on aurait non seulement du TGV, mais aussi du fret. Et ce qui permettrait aussi de faire circuler plus de TER, parce qu'aujourd'hui, on oublie de dire aussi que les TER sont bondés. Il n'y en a pas assez, on n'arrive pas à en faire passer assez. Donc, il y a un projet. Sauf que on s'arrête au milieu du gué. C'est-à-dire que, premièrement, on ne continue pas au-delà de Montpellier, au sud, vers Béziers et vers Perpignan. Et deuxièmement, il n'y a pas de liaison entre la gare et le centre-ville. Donc, cette gare qui devait aider à désaturer un peu, parce que il faut aussi savoir que on ne peut pas maintenant, on n'accepte plus les grands convois de fret dans les agglomérations. Il faut voir ce qui circule aujourd'hui au centre de Montpellier comme convois de fret. Dans 10 ou 20 ans, ça ne va plus être admissible. Et d'ailleurs, populations... Parce que pour des questions de bruit, des questions d'accidentologie, de risque. Donc, il faut envisager des solutions nouvelles. Et encore une fois... Gilles, dans ça, vous êtes en train de nous dire que le fret peut être dangereux? Ah, le fret, aujourd'hui, il y a des règlements, notamment sur la matière dangereuse, qui font qu'on peut plus le faire passer n'importe où. Donc, il y a une réglementation qui est de plus en plus, plus forte. Donc, il faut envisager une nouvelle solution. Mais là, l'État a interrompu son grand projet de ligne à grande vitesse intégrale sur tout l'arc vers l'Espagne, alors que c'était soutenu par l'Europe, que c'était voté, que toutes les réservations foncières sont prises, et les élus de leur côté ont stoppé aussi la desserte de la gare, de la nouvelle gare, en tramway. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a une situation totalement aberrante où personne n'a strictement aucune raison de se rendre à cette gare. Donc, on ne met pas de train, donc il n'y a personne. Alors, effectivement, il paraît qu'il y a 4 trains qui passent. 2 allers-retours. Ce qui est quand même extrêmement faible pour un projet qui, comme on l'a entendu, est incroyablement coûteux, le bâtiment le plus cher jamais construit à Montpellier. Il y a donc 2 volets. Premier volet, pourquoi a-t-on finalement abandonné l'idée de construire cette ligne à grande vitesse, cette ligne complète ? Premièrement, parce que l'État, tout d'un coup, s'est dit, sous la pression notamment de Bercy, on arrête de faire des grands projets. On a fait des grands projets ferroviaires qui ont coûté cher. On a dépensé des milliards pour gagner quelques minutes. On arrête. Sauf que ce projet, c'est pas un projet classique TGV de gagner 10 minutes à coup de milliards. C'est un vraiment projet mixte, fret, TGV, TER. Donc, premièrement, on a arrêté le projet pour des raisons de petites politiques financières, alors que c'est un vrai projet d'aménagement du territoire. D'ailleurs, les élus régionaux d'Occitanie le défendent la poursuite de ce projet. Et deuxièmement, parce que... Ça, les élus locaux, ils défendent toujours les projets à grande vitesse. Pas forcément tous maintenant, c'est plus compliqué. Mais disons que les élus régionaux défendent plutôt les grands projets, et les élus locaux, qui sont travaillés aussi par des lobbies locaux, il y a aussi des emprises agricoles, il y a aussi un certain nombre de nuisances qui vont être de fait instaurées par une ligne à grande vitesse, là, ça résiste. Donc, on a gelé, et le projet est doucement reporté, alors comme on dit, 2020, 2030, 2040. Oui, bon, voilà. D'accord. Et puis, il y a aussi la résistance pour la ligne de tramway, parce que ça traverse aussi des zones dont les propriétaires se défendent. Donc on a fossilisé un projet qui avait eu de sa cohérence, ce qui aboutit aujourd'hui à ce scandale, c'est-à-dire d'une gare construite effectivement très chère, où il n'y a que 2 allers-retours qui s'arrêtent par jour. Mais alors, aujourd'hui, donc, on voit que cette ligne est stoppée pour des raisons budgétaires. On l'a entendu, le débat sur le fait que le TGV coûte trop cher et que du coup, on a moins d'argent pour les TER et pour le reste de l'infrastructure. Gilles Dansart, on a quand même envie de savoir quelles sont les lignes TGV qui, aujourd'hui, ne sont pas rentables et finalement s'avèrent rétrospectivement inutiles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement la rentabilité ? Le TGV, faut séparer le coût de construction d'infrastructure et après le coût d'exploitation. Aujourd'hui, il n'y a pas d'argent public sur l'exploitation. C'est le voyageur, c'est vous et moi qui payons l'exploitation du TGV. Donc le TGV est aujourd'hui globalement rentable. Il l'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le TGV a sauvé la SNCF. Parce que la SNCF était en déconfiture complète et le TGV l'a sauvé. Il y a eu un petit coup de mou parce que les Français ont considéré que c'était devenu trop cher, parce qu'il y a une sorte de tassement de la mobilité. Puis c'est reparti depuis 2-3 ans. Il y a à nouveau beaucoup de monde dans les TGV et on peut considérer que la plupart des lignes sont rentables. Évidemment, Paris-Lyon. Paris-Lyon est d'une rentabilité extraordinaire, mais Paris-Lille aussi. Grâce au prix du billet d'ailleurs. Paris-Lille aussi, Paris-Strasbourg est en bonne voie, surtout que les collectivités ont vraiment participé au projet. Et même si sur Paris-Bordeaux, aujourd'hui, la SNCF dit perdre de l'argent, logiquement, vu ce qui se passe entre Paris et la métropole Aquitaine, ça va être équilibré, voire bénéficiaire dans 2-3 ans. D'accord, le problème, c'est pas l'exploitation, c'est les infrastructures. Non, c'est les TGV aussi intersectionnels. Cela, c'est plus compliqué. Quoi, par exemple ? Parce qu'un Strasbourg-Nice, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu moins de monde. La SNCF a moins envie de faire d'efforts. Mais globalement, il ne faut pas que les Français se fassent inquiétude. Le TGV est redevenu rentable. Alors du coup, les infrastructures, quand vous dites « il est redevenu rentable », est-ce que ça veut dire que le TGV n'est pas seulement rentable en exploitation, mais qu'il amortit également les infrastructures ? Ah, là, la collectivité, c'est son rôle d'amortir effectivement le coût de construction des infrastructures. Donc ça, les modèles économiques sont bien établis. Il y a pas de souci là-dessus. Simplement, le problème, c'est que la puissance publique, l'État, n'ayant plus suffisamment de cash et ne voulant pas s'endetter, il fait ce qu'on appelle des PPP, où là, il y a des contrats qui sont un peu difficiles à signer parce que c'est comme les sociétés d'autoroute. Si c'est si rentable que ça, Gilles Dansart, peut-être que vous et moi, on pourrait s'associer pour construire une ligne TGV. Ah ben, aujourd'hui, l'État, n'importe qui lui propose d'avancer de l'argent pour faire un nouveau projet, il est preneur. Mais alors pourquoi personne ne se lance-t-il si vous dites que c'est aujourd'hui à peu près rentable ? Ben parce que on a changé de paradigme. On dit bon, faut mettre l'argent disponible sur les transports du quotidien. Donc on va plutôt s'endetter pour construire des nouveaux hubs, enfin des nouveaux pôles multimodaux, comme on dit maintenant, dans les métropoles, qui sont submergés de la demande des citoyens. On va plutôt construire des nouvelles mobilités dans les zones rurales. Donc c'est ça les priorités. Donc l'argent disponible ou l'endettement va plutôt aller à ces projets-là. Mais alors, dans ces conditions, bon, on vous suit et on abandonne ces projets de ligne et on les abandonne parce qu'on a d'autres priorités. Pourquoi construire la gare dans ce cas-là ? Voilà. À partir du moment où il y avait certainement un doute sur la suite, il fallait pas construire la gare. Il fallait se contenter de faire la ligne pour que le fret l'emprunte et puis on serait contenté de ça. On a quand même construit la gare et là, c'est sans doute prématuré. Peut-être qu'il aurait fallu la construire au moment où on aurait prolongé la ligne et là où il y aurait eu une pertinence beaucoup plus forte pour ce qui concerne les voyageurs. Qui a pris cette décision ? Ah, c'est une décision d'État et du gestionnaire d'infrastructure. Mais le gestionnaire d'infrastructure SNCF Réseau ne fait rien sans l'État. Donc c'est l'État qui a pris cette décision. Et au bout du compte, pourquoi, une fois que la gare est là, puisqu'elle existe, cette gare de Montpellier en dehors des murs, si j'ose m'exprimer ainsi, pourquoi ne pas la relier avec un tramway, puisque c'est quand même le minimum syndical qu'il y ait une possibilité donc, de rejoindre le centre-ville ? Ça va être fait, mais en 2022, parce que les procédures d'expropriation, de consultation publique, etc., sont extrêmement lourdes. Et donc, comme on a pris du retard, on peut plus accélérer le temps au-delà du possible. Donc, il faut encore 3-4 ans pour que le tramway aille jusqu'à la gare. Et là, ça commencera à ressembler à quelque chose. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de miracle pendant 3-4 ans. Et les mauvaises langues disent que ces gares sont très rentables pour la SNCF parce que, tout simplement, la SNCF exploite les parkings aux environs. Pas possible d'utiliser ces gares sans aller dans un parking. Et ces parkings, bah, ils sont dans des terres à betteraves, c'est-à-dire des terres qui, bien entendu, ne coûtent pas du tout aussi cher que si la gare était en centre-ville. La filiale de la SNCF, qui s'appelle EFIA, qui s'occupe de la gestion des parkings en France, qui est elle-même une filiale de Keolis, filiale de la SNCF, je vous passe les détails, a une rentabilité phénoménale. C'est 30 millions d'euros par an. Au minimum. Donc effectivement, c'est très rentable. Les voitures sont très rentables pour la SNCF du point de vue du stationnement. Comment ça se passe ? Ça veut dire que finalement, la SNCF achète des terres à bas prix et les exploite donc en les valorisant, les transformant en parking. Oh, elle les achète pas forcément. C'est les collectivités qui souvent lui relouent ou les met à disposition. Il y a des contrats de délégation pour ces zones. Ça dépend des cas. Il y a plusieurs types de montage. Mais en tout cas, l'exploitation des parkings eux-mêmes est très rentable pour l'ensemble d'ailleurs des gestionnaires de parking en France, hein, que ce soit Indigo, EFIA, etc. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, on va assister à quoi ? C'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de tentations donc, de créer des gares qui sont des gares hors les murs. Est-ce que là, au contraire, on a fait le plein et la gare de Montpellier sera en quelque sorte le point final ? Cette gare, elle doit pas rester hors les murs parce que va y avoir une poursuite de l'urbanisation aux franges de l'agglomération de Montpellier. Donc, dans 20 ans, si on est encore là pour en discuter, on verra, il y aura certainement une urbanisation tout autour. Le problème, c'est le décalage dans le temps. Donc, il faut pas renoncer aux grands projets. Un pays peut pas renoncer à un certain nombre de projets parce que un pays évolue. Je parlais il y a quelques instants de l'urbanisation, du développement économique de ces zones littorales en France qui est absolument phénoménal par rapport à un certain nombre de zones devenues grises au cœur de notre hexagone. Et donc, il faut pas se priver de, et là, on a un peu tout fossilisé. Et du coup, on va se retrouver ici et là avec des objets, des éléphants blancs dont on comprend mal l'utilité dans les 10 ans. Bon, mais d'un côté, on n'a pas gelé ça pour rien. On a gelé ça en disant, voilà, ça coûte trop cher, il faut qu'on réoriente les budgets dans les priorités, notamment dans les transports dits du quotidien, donc dans les TER. Qu'est-ce que vous constatez, Gilles Dansart, vous qui êtes spécialiste du réseau ferré de France ? Ce que l'on constate, c'est que les Français commencent à être sacrément sensibles à toute cette musique environnementale, de se déplacer autrement. Ils sont sensibles, et ça c'est depuis la nuit des temps aussi, au prix du gazoil et de l'essence. Donc il y a vraiment un appétit pour les mobilités collectives, donc tramway, train, car Macron, etc. Et pour les mobilités dites alternatives, que sont le vélo électrique, qui est en train d'être boosté, et au cœur des agglomérations, dans les zones denses, toutes ces nouvelles mobilités que sont les trottinettes, etc. Donc il y a un appétit. Et donc, il faut aujourd'hui faire, si on veut arrêter pendant quelques temps les grands projets, il faut faire un transfert massif d'investissement sur toutes ces mobilités que plébiscitent nos concitoyens. Mais est-ce que vous l'observez, ce transfert ? Bien sûr, les chiffres montrent qu'il y a vraiment des trains pleins. Il y a les trains pleins. C'est quiconque a l'expérience d'un TER voit qu'effectivement les TER ont du succès. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que effectivement cet effort d'investissement, il est fait par la SNCF? Alors la SNCF, il y a deux gros efforts par la SNCF sur l'entretien et la régénération de son patrimoine existant. Donc celui-là, il est pas visible, il est assez obscur, mais il est réel, il est indispensable parce que plus on fait circuler de trains, plus ça use l'infrastructure. Donc il faut faire ce que les Italiens n'ont pas fait sur leur fameux pont à Gênes, il faut entretenir. Donc ça, c'est un effort ingrat, obscur, mais qui est fait. Et deuxièmement, et ça c'est plus compliqué parce que les process sont assez longs de concertation et de préparation des projets, c'est tous ces projets beaucoup moins visibles que ces grands projets nés à grande vitesse, au cœur des agglomérations, dans les zones rurales, où là, on fait au cas par cas, on désature, c'est-à-dire on met un peu plus de capacité, on double la voie, on fait un nouveau poste d'aiguillage. Et ça, c'est fait aussi, mais ça ne va pas assez vite. Et là, aujourd'hui, les élus demandent d'aller beaucoup plus vite dans toute cette amélioration pour faire en sorte d'augmenter l'offre. Parce qu'encore une fois, la population vieillit, les habitudes changent et il y a un appétit très fort. Donc il faut accélérer et là, il y a un peu de retard quand même dans les efforts qui sont faits. Est-ce que ça veut dire, alors vous n'avez évidemment pas de boule de cristal, mais est-ce que ça veut dire qu'un accident comme celui de Brétigny-sur-Orge qui était lié, semble-t-il, au mauvais entretien du réseau, est-ce qu'un tel accident pourrait se reproduire? Est-ce qu'aujourd'hui, la SNCF a pris la mesure de ce type de risque? On peut jamais dire jamais, hein, c'est un titre d'un célèbre film, mais d'une certaine façon, il y a eu beaucoup de mesures de sécurité qui ont été prises pour mieux surveiller l'infrastructure. Donc, je suis moins inquiet qu'il y a 3 ou 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réaction parce que il y a encore une structure d'entreprise, une structure étatique qui font qu'il y a une vraie surveillance. Donc je suis moins inquiet, mais encore une fois, les ouvrages d'art, par exemple, sont sous surveillance très forte. C'est-à-dire? Ben parce que la pression sur les ouvrages d'art vient du nombre de circulations et du tonnage. Et donc plus on fait circuler de trains, plus ça s'use vite. C'est exactement la leçon de Gênes, c'est-à-dire que le trafic a été multiplié par 10 et le poids des convois s'est accru de 40-44 tonnes, etc. Et donc ça use prématurément. Donc là, il faut vraiment surveiller ça, que ce soit sur la route, que le ferroviaire ou le fluvial, parce que ça, c'est quand même un facteur assez inquiétant. Et du coup, est-ce que vous considérez que si ces efforts ont été faits, le futur du TGV, est-ce que vous pensez que celui-ci peut continuer à se développer? Donc, on a vu qu'en termes de lignes, on allait aujourd'hui se retrouver face à un réseau gelé. Il n'y aurait pas de création de nouvelles lignes à grande vitesse. Est-ce qu'on n'arrive pas au contraire à un goulot d'étranglement, par exemple sur la ligne Paris-Marseille? Il y a encore des réserves de capacité, comme on dit de façon technique, pour deux raisons. La première, parce qu'on augmente le nombre de places dans les trains. La SNCF, d'ailleurs, fait des TGV où il y a de plus en plus de monde maintenant, des rames doubles, et là, augmente le nombre de places, donc on va augmenter la capacité. Et deuxièmement, on a des systèmes de signalisation qui permettent d'enchaîner les trains à 90 secondes. Donc, ce qu'on appelle ERTMS, c'est un nouveau système de signalisation européen. Donc, on peut mettre plus de trains. Donc, il y a encore des réserves. Et la SNCF, par exemple, prévoit d'ici 2022 plus 25% de voyageurs dans ces TGV. Donc, il y a encore des réserves. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français parce que ça ne va pas forcément s'accompagner de hausse de prix. Un espoir pour tous ceux qui souhaiteraient s'arrêter peut-être un jour, qui sait, dans cette gare de Montpellier, si elle réussit un jour à être relié au reste du monde. Merci beaucoup Gilles Dansard. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de Mobilettre. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Florent Bujon à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.